Pèse-le tout. Oh maman, pèse-le tout. La Kenya na yole, yon capital ya Congo. Vente, pèse tout. Pèse-le tout. Oh maman. Oh maman, pèse-le tout. La Kenya na yole, yon capital ya Congo. Vente, pèse tout. Pesa le tout, pesa nyonso, oh mama pesa.